auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette mosaïque d'enregistrements divers et variés. Alors, je cite bien plusieurs fois les enregistrements. Je les ai pris sur Le Média, Le Média TV, vous savez, la chaîne de télévision sur le net qu'on peut avoir de partout et qui nous change des autres chaînes de télévision que je qualifierais d'officielles, plus ou moins officielles par représentant le gouvernement, représentant l'État, représentant le pouvoir politique, mais représentant aussi et surtout le pouvoir économique et les puissances d'argent qui nous mènent par le bout du nez de la naissance à la mort. Et ça depuis pas mal de temps. Alors donc, le Média TV. Ensuite, on aura droit à, comme chaque fois, à une histoire de Charline. Hein, ben oui, Charline, moi à mon avis, c'est la meilleure humoriste du moment et souhaitons que ça dure longtemps. Ensuite, la télé de l'Assemblée nationale, hein, la LCP, la chaîne parlementaire. Alors, des enregistrements que j'ai pris tantôt sur des séances du Sénat, tantôt des séances de l'Assemblée nationale. Hein, c'est public, mais comme c'est à Paris, ça fait un peu loin, on peut pas y aller. Eh bien, heureusement, la télé et leur chaîne de télévision est là pour filmer une partie des séances. Et puis aussi des extraits de Science et Vie Télévision. Et puis, des enregistrements faits par Vosges TV, qui font parfois un très bon boulot. Hein, voilà. Et ça nous change un peu des chaînes nationales. C'est un peu plus près de nous, à différents points de vue. Voilà. Alors, bien sûr, une petite revue de presse. Et puis, les enregistrements dont je vous ai parlé. Le 28 mars 1871, 10 jours après le début de leur insurrection, les Parisiens proclament la Commune de Paris place de l'Hôtel de Ville. Pendant 70 jours, assiégés par les troupes loyalistes, les communards expérimentent la démocratie directe et adoptent des mesures sociales d'une extraordinaire modernité. Un an auparavant, Napoléon III avait entraîné la France dans une guerre avec l'Allemagne. La défaite militaire et l'invasion prussienne avaient conduit à l'effondrement de l'Empire et à la proclamation de la Troisième République. La guerre se poursuivant, Paris est assiégé jusqu'à la capitulation du gouvernement de défense nationale. Mais les Parisiens humiliés refusent l'armistice signé par une assemblée nationale royaliste élue dans la précipitation. Le 18 mars 1871, la capitale se soulève lorsque le gouvernement réfugié à Versailles envoie l'armée pour récupérer les canons de Montmartre. Des barricades sont érigées, les unités de la garde nationale fraternisent avec la population et un comité de salut public est institué. Quelques jours plus tard, des élections portent les républicains révolutionnaires à la tête de la ville. En quelques semaines d'extraordinaire effervescence politique, la Commune, mêlant ouvriers et intellectuels, pratiquant l'égalité entre les hommes et les femmes, proclame la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite et laïque, l'abolition de la conscription, l'interdiction du travail de nuit, et reconnaît le concubinage, des mesures en avance d'un siècle sur leur temps. Mais 2 mois après sa proclamation, la Commune, isolée et minée par des querelles internes, est finalement écrasée dans un bain de sang par l'armée versaillaise. Durant la semaine sanglante fin mai, entre 25 et 30 000 communards sont sommairement exécutés. D'autres seront déportés, et pour éradiquer jusqu'au souvenir de la Commune, les vainqueurs feront ériger la basilique du Sacré-Cœur sur la butte de Montmartre, là où avait éclaté l'insurrection. Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. On le voit samedi, les locaux de Benjamin Griveaux ont eu une tentative d'intrusion. La maison de cette députée de Vendée maintenant qui est vandalisée puisqu'un mur de parpaing a été érigé pour bloquer son accès. On le sent, la haine en tout cas des gilets jaunes, si ce sont eux bien sûr, hein, ce n'est pas encore prouvé. Mais en tout cas, cette haine ne retombe pas. Non, il y a une colère qui est en train de se transformer en haine, effectivement, qui fait peur. Ce qu'on a vu... Alors, il faut aussi un peu redescendre. Le fait de quelques fanatiques ultra qui prennent une machine de chantier avec les clés, rue de Grenelle, sachant qu'il n'y avait pas de CRS, ça pose question. Et quand ils défoncent la porte, ils ne savent pas quoi faire, en fait. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais il n'y a pas eu d'incendie au ministère. Il y a eu une voiture, je crois, qui a été vandalisée. Mais pas plus, personne n'est rentré dans la cour du ministère. Il y a eu un peu une surprise de cette porte qui cède aussi facilement. Pour ce qui est de l'attaque de domicile personnel de député, ça va beaucoup trop loin, évidemment. Là, par contre, on est dans quelque chose de très dangereux, mais qui est... Le fait, en fait, de ce fossé irréconciliable, en fait, entre la représentation nationale et un peuple, des populations qui ont l'impression d'être complètement laissées pour compte. C'est une colère aussi qui n'a pas de réceptacle. Aujourd'hui, cette colère, elle est dans le vide. On voit bien que toutes les tentatives du pouvoir, la parole aussi des sphères d'autorité n'est plus du tout respectée, n'est plus du tout prise en compte. Les mesures d'Emmanuel Macron, on a l'impression que c'était il y a un an, enfin, alors que c'était là, il y a même pas un mois, sur le pouvoir d'achat, le SMIC, etc. Et puis, ce grand débat national qui est censé être là pour remettre l'écoute au centre du débat, on sent bien que c'est un peu un machin qui est là pour faire gagner du temps à la majorité avec les européennes qui arrivent. D'autant que les Gilets jaunes ne veulent pas de ce débat national. Ils veulent l'initiative, c'est ce qu'ils nous ont dit sur ce plateau. Ils veulent, eux, mener ce débat. En fait. Bah, évidemment, vous avez là un mouvement qui part de la base, qui commence sur des ronds-points, sur une histoire de taxes carburant, qui gonfle sur une question institutionnelle, sur une question de pouvoir d'achat, sur une question de modèle aussi, de qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et là, vous avez le pouvoir qui veut reprendre la main en disant « Attendez, on va vous dire quels sont les thèmes qu'il faut discuter, ça va de là à là, et on va payer Chantal Jouanneau 176 000 euros pour organiser ça. » Mais les gens sont fous. Rendez-vous bien compte que ce débat-là, il existe sur les ronds-points. Il suffit d'y aller avec des oreilles ouvertes, ce que faisaient certains députés au début du mouvement, en allant écouter, en prenant des notes, en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Aujourd'hui, la structuration de ce mouvement, on le voit, ça part dans tous les sens. Chacun veut faire son parti ou récupérer ce mouvement. Mais c'est un début de structuration, finalement. On l'a vu aussi à Marseille. Une plateforme a été mise en place pour recueillir les idées, les doléances, justement. C'est ce qui manque, je pense. Une vraie plateforme nationale qui pourrait être dématérialisée. Enfin, faire c'est simplement ce qui est en train d'être créé, du collaboratif. Parce que c'est un mouvement collaboratif. C'est un mouvement aussi qui est là pour remettre les solidarités au cœur du mouvement. C'est pas un mouvement qui est là pour faire de la politique. Moi, je crois qu'il y a une erreur fondamentale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de porte-parole se font désavouer par ce mouvement, c'est qu'il y a une volonté de démanteler ce mouvement par la politique. C'est-à-dire, il nous faut des leaders, il nous faut un parti, il nous faut une liste de revendications claires. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de la colère, qui malheureusement tombe dans la haine, mais qui est vraiment quelque chose de dire, je ne veux pas jouer avec ces règles du jeu. Ces règles du jeu-là, elles me font perdre depuis trop longtemps. C'est les perdants, c'est ceux qui ne sont rien, qui veulent être vus, qui mettent le gilet jaune. Et le gilet jaune, c'est ce qu'on voit sur les chantiers. La République est en chantier. Pierre Mendès France disait que la République, elle sera toujours perfectible, que c'est quelque chose qui est là pour avancer, pour aller vers le progrès. On ne peut pas dire que la cinquième, c'est le parangon, la fin de ce qu'est la République. Donc, cette réflexion sur les institutions, elle est extrêmement importante, mais je ne pense pas que le choix politique de faire partie va aider ou va sortir quoi que ce soit du mouvement. Ces partis politiques ont-ils une influence sur les élections européennes, selon vous ? Oui, ils vont émietter les voix. C'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique à la majorité En Marche. Ça va permettre de grignoter un peu qui au Front National, qui à la France Insoumise, qui au PS, enfin debout la France et les Républicains. Donc tout ça, c'est du pain béni pour En Marche, qui va dire, regardez, c'est très bien, ils vont enfin pouvoir avoir leur parti où ils vont pouvoir s'exprimer. Résultat des courses, bien sûr que les voix vont s'agréger vers le parti de la majorité qui sera là en disant, c'est nous ou le chaos. Regardez, le chaos, il est là, il est d'une certaine façon maintenu parce qu'il y a cette absence de dialogue. Alors il y a un vrai problème en tout cas de représentativité, on l'a entendu au sein du gouvernement actuel. Que peut faire justement l'exécutif aujourd'hui pour résoudre ce problème ? Peu de choses. La représentativité, on dit que la démocratie ça fonctionne avec des scrutins. Il y a eu la présidentielle, il y a eu les législatives, on voit bien qu'il y a une majorité qui est sortie des urnes. Le problème c'est que cette majorité sortie des urnes pense qu'elle a une mission, qu'elle est là pour réformer la France, qu'elle a un agenda de réforme à mettre en place. Emmanuel Macron a été élu contre Marine Le Pen. Il n'a pas été élu pour son programme. Enfin, pas en partie, certes, mais c'est d'abord contre Marine Le Pen qu'il est élu. Et aujourd'hui, on voit bien que la crise institutionnelle, elle vient du fait aussi de l'incarnation de la fonction présidentielle. Un président, c'est un arbitre, c'est pas un chef d'équipe. Emmanuel Macron, il est, comme l'a été Nicolas Sarkozy, d'une certaine façon François Hollande, c'est président de la cinquième qui reste les chefs de leur parti qui sont là pour faire gagner leur équipe. Un président, il est là pour la concorde, il est là pour justement entendre et faire que tout le monde puisse discuter, amener la concorde sur la table. Et c'est ce qu'apparemment le président de la République n'a pas compris, en tout cas. Il est dans une logique d'affrontement. On le voit bien, ses voeux tels qu'ils ont été présentés. Il y avait une menace à peine voilée sur le fait que les manifestations sont traitées sans concession. C'est clairement une logique d'affrontement qui est en train de se mettre en place, avec le côté radical. Enfin, les mots utilisés par Benjamin Griveaux la veille de la mobilisation de samedi dernier, il parlait de radicalité, de fait d'aller plus vite dans les réformes, que les Français attendaient davantage. Donc il y a vraiment deux mondes qui ne s'écoutent pas. Je ne vois pas comment on peut mettre l'écoute, pas via ce grand débat national qui, clairement, est en train d'être organisé pour gagner du temps. Merci beaucoup, Alexis Poulain, d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Charline Vanhoenacker, l'accord de Theresa May sur le Brexit a été rejeté hier par les députés britanniques. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a lancé son grand débat. Vous y voyez un parallèle ? Deux dirigeants dans la mouise face à leur population qui gueule dans un exercice de démocratie directe. Un peu, oui, je vois un parallèle. Les Anglais ont voté pour le Brexit et aujourd'hui, ils sont plus très sûrs de le vouloir. Les Français ont voté pour Macron et aujourd'hui, ils sont plus très sûrs de le vouloir non plus. Ils savent que la colère a pris un abonnement pour l'Eurostar. La différence majeure, c'est que chez les Beef, c'est les policiers et les bobbies qui portent un gilet jaune. Un petit peu comme pour le sens de la circulation, ils font tout à l'envers. C'est la même colère, mais elle s'exprime différemment. Il faut dire qu'en Angleterre, les symboles de l'État, ce ne sont pas que des monuments. Ce sont aussi des personnes. Nous, on a l'Arc de Triomphe, ils ont la reine Elisabeth. Imaginez un peu qu'on retrouve Babette entièrement taguée. Hier, Theresa May s'en est nettement moins bien sortie que Macron. Oh là là. Si seulement Theresa était soutenue par des stratèges éclairés d'un gouvernement comme nous, on a ici des Benjamin Griveaux, Marlène Schiappa. Bon, empêtrés chacun dans leur galère, les deux dirigeants se sont appelés hier. Hello Theresa, where are you? Why in the parliament? And you Manu, where are you? I am in a gymnase, in a grand boule tout roule. Voilà. What? Mais Theresa est solidaire, elle pédale dans le pudding. Ce à quoi Manu répond, I understand perfectly. I am totally in the chianli. Every Saturday, my country is a big bullshit. But what a chance, you have not Eric Drouet. Do you know Eric Drouet? C'est là que le président a proposé à Theresa May un geste amical pour ramener le dialogue dans le Brexit. Lui envoyer Chantal Jouanneau. Juste penser à regarder le cours de la livre sterling, parce qu'en euros, elle est un peu chéro. Mais enfin, pour le prix, elle fait du karaté. Hein. Puis en ce moment, ça peut toujours servir. Sinon, il a pensé à envoyer Benalla aussi. Vu qu'il y a encore un nouveau passeport. Ah là là, vous n'avez pas les boules, vous les Français, de voir que les Anglais réclament déjà un deuxième référendum, alors qu'on voit comment c'est chaud ici d'envisager d'en organiser un seul. En plus, référendum, c'est un mot latin, ça peut pas fonctionner chez les anglo-saxons. Elle aurait pas dû faire cet accord sur le Brexit, Theresa May, c'est tirer une balle dans le pied. Il a raison, Macron, parfois les gens en difficulté, bah ils déconnent. Leur seul espoir à tous les deux, c'est que les médias s'intéressent aux misères de l'autre. Theresa May, elle mise clairement sur un divorce de Kate et William pour disparaître un peu de la une. Parce que le Brexit, c'est comme une série. Au bout de deux saisons, il y a ceux qui ont envie d'arrêter, ceux qui sont accros, puis il y a surtout les scénaristes qui rament pour écrire la saison 3. Merci Charline Vanhoenacker. Et... Thank you. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui, je suis sûre, se fera un plaisir de nous répondre. Le Président Macron a réuni hier à Versailles 140 dirigeants de multinationales pour les convaincre de l'attractivité de la France lors d'un événement élégamment intitulé « Choose France ». Vous-même, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'un grand nombre de vos ministres, étiez présents à ce grand raout qui rassemblait à huis clos le gratin de la finance prédatrice. Parmi vos illustres invités, un certain nombre sont en effet éminemment remarquables. Prenons Lloyd Blankfein, patron de Goldman Sachs. Son établissement s'est notamment fait remarquer en 2008, avant 2008, maquillant les comptes de la Grèce, puis après cette date, en pariant sur sa faillite, ce qui lui a rapporté une brochette de milliards. On pourrait aussi évoquer Jamie Dimon, patron de JP Morgan, qui a été jugé en 2014 par la justice française pour fraude fiscale, ou les dirigeants d'AXA, Apple ou Amazon, qui ont des rapports plus que troubles avec les paradis fiscaux. Ces belles personnes font également partie d'un club de Happy Few, spécialiste en accaparement des richesses. Dans un rapport paru hier, l'ONG Oxfam révélait en effet que 82% des richesses créées dans le monde l'année dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches. En France, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses. Les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% du gâteau. Puisque le président Macron a jugé bon de réunir quelques-unes et quelques-uns surtout des champions du monde de l'irresponsabilité financière, nous souhaiterions avoir des détails sur la teneur de vos discussions. Avez-vous profité de l'occasion pour demander à l'auguste assemblée réunie à grands frais à la cour de Versailles de faire preuve du même sens de sacrifice et de responsabilité que vous exigez des salariés, fonctionnaires ou chômeurs ou chômeuses de ce pays? Plus précisément, le groupe de la France Insoumise, la société civile, mais aussi, je crois, un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes souhaiteraient savoir si vous avez enfin demandé des comptes aux délinquants fiscaux patentés, invités avec les plus grands honneurs, et quelles mesures immédiates vous comptez prendre pour enfin lutter efficacement contre ces inégalités et cette injustice fiscale qui, rappelons-le, coûte entre 60 et 80 millions d'euros à notre pays. La parole. Je suis choqué, comme beaucoup de mes confrères, de la violence des phénomènes de répression des manifestations. J'ai trouvé que c'était très inquiétant, en fait, en France, d'en arriver là. Alors, si on peut comprendre que des policiers, dans des situations de légitime défense, utilisent les moyens à disposition pour justement se défendre, il est beaucoup plus difficile de comprendre que des jeunes gens qui étaient venus manifester pacifiquement se retrouvent avec des blessures gravissimes, comme on l'a vu avec la jeune Fiorina qui a été blessée le 8 décembre sur Paris. Je crois que c'était sa première manifestation. Cette jeune fille se retrouve énucléée. Je pense que c'est un drame humain qui ne laisse pas insensible. Elle a perdu son œil, malheureusement. Elle a pris une balle de flashball dans l'œil et a perdu son œil. Elle a dû avoir une ablation de son œil. Et donc, elle ne se remettra jamais de cet accident-là. Vous êtes le seul neurochirurgien à prendre position. Vous êtes le seul chef de service, je veux dire, aujourd'hui, dans ce cas. J'ai été en contact avec certains de mes confrères dans les villes où la répression a été la plus dure, comme Bordeaux, Nantes, Toulouse. Mes collègues m'ont rapporté des choses très inquiétantes. Les lésions sont des lésions de guerre quand même. Hein. J'ai pu voir des scanners anonymisés où on voit des patients avec des fractures du crâne très importantes, par exemple, comme le pompier qui a été blessé sur Bordeaux ou sur Toulouse, ont eu des lésions vraiment très très graves au niveau crânien. Je pense que c'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme qu'on utilise ce genre d'armes. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative solliciter un moratoire sur l'utilisation de ces armes qu'on dit sublétales, parce qu'elles ne tuent pas autant que les armes à feu. Mais il y a une étude récente qui est parue dans le British Medical Journal qui a montré que lorsqu'on était blessé par une de ces armes, on avait une chance sur 5 de décéder ou d'avoir un handicap grave. Bon, je pense que notre ministère de l'Intérieur, M. Castaner, doit vraiment prendre ces choses en considération. On sait très bien que la violence entraîne la violence. Et je ne pense pas qu'augmenter le niveau de répression dans les manifestations est une mesure qui va apaiser les choses. Autre question ? Dans quelques semaines, chacun d'entre nous pourra se voir interdire de manifester par le préfet de son département, au motif qu'il représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le gouvernement, ministre de l'Intérieur en tête, s'est en effet rallié à la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, votée en octobre en première lecture par le Sénat. L'Assemblée nationale doit se pencher sur ce texte mardi et mercredi prochain. Je vous ai déjà parlé de cette proposition de loi que l'on doit à Bruno Retailleau, sénateur LR parmi les plus à droite. La nouveauté depuis son adoption par la Chambre haute, c'est la volte-face du gouvernement. Au Sénat, les élus de la majorité présidentielle avaient voté contre le texte. À l'Assemblée, moyennant un léger toilettage, les députés de La République En Marche s'apprêtent à voter pour. Dans l'intervalle, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Christophe Castaner l'a reconnu devant la Commission des lois, il y a une bonne part d'opportunisme dans l'attitude du gouvernement. Je vous le dis sans embâge, nous avons besoin de cette proposition de loi, tant en termes politiques qu'en termes pratiques. Le Premier ministre s'est engagé à donner des réponses concrètes et elles sont aujourd'hui attendues par les forces de l'ordre, qui ont le sentiment de voir toujours les mêmes têtes. C'est pas beaucoup. C'est systématiquement 50, 100, 150, 200 casseurs maximum d'extrême droite, d'extrême gauche qui s'infiltrent, saccagent, provoquent les violences. Là, on ne comprend plus le raisonnement du ministre de l'Intérieur. Si la police connaît les prétendus casseurs, elle n'a pas besoin, par définition, d'une nouvelle loi pour les interpeller. Et si la justice établit la culpabilité des interpellés, le juge judiciaire pourra éventuellement prononcer une interdiction de manifester dans le cadre d'une peine complémentaire. La possibilité existe, là encore, pas besoin de légiférer. Oui, mais voilà, Christophe Castaner a une conception assez expéditive du droit, de la justice et des libertés. Je voudrais redire que l'ordre public a besoin d'un outil qui permette d'agir rapidement. Une condamnation définitive, aujourd'hui, cela peut prendre plusieurs années. Et c'est un outil qui est inacceptable dans le contexte. S'appuyer sur le temps judiciaire, c'est faire en sorte que ceux que l'on voit manifester, casser le samedi, puissent le samedi suivant être à nouveau devant les mêmes forces de l'ordre. Vous avez bien entendu, le ministre de l'Intérieur nous dit en substance, on n'a pas le temps d'attendre que la justice tranche, on va le faire à sa place. Sur quelle base ? Eh bien, les renseignements fournis par la police, les fameuses notes souvent non sourcées et anonymes qui comportent une part de ragots et de contre-vérités. Justement, le Canard enchaîné de cette semaine nous apprend que le service central du renseignement territorial a été chargé d'espionner les Gilets jaunes. Revoilà la police politique. Si l'on écoute que le ministère de l'Intérieur, tout le monde est coupable. Cela veut dire qu'Éric Drouet, Maxime Nicole et tous ceux qui les suivent les approuvent pourraient dans les prochaines semaines se retrouver interdits de manif. Et puis la France insoumise qui soutient l'appel à la grève du 5 février et les organisations syndicales. Par capillarité, on peut interdire à toute la France ou presque de défiler. Sous prétexte de lutter contre les casseurs, c'est la criminalisation de l'opposition au chef de l'État qui s'amorce. Ce gouvernement instrumentalise encore une fois les vrais casseurs pour faire passer une loi de contrôle politique. C'est ça la réalité. Et donc vous allez avoir des préfets qui vont dresser des listes de personnes qui n'ont jamais été condamnées, qui n'ont jamais été prises en flagrant délit. Demain matin, vous allez être mis sur une liste parce que vous êtes un opposant politique à M. Macron. C'est ça la réalité ? Voilà. Et si cette loi était prononcée en Russie de chez M. Poutine ou chez M. Trump, il y aurait une indignation en France. C'est quand même un comble d'avoir le pouvoir administratif qui finalement définit qui a le droit de manifester ou qui n'a pas le droit de manifester. On peut s'attendre à des dérives incroyables si il n'y a pas de garde-fous qui sont posés. Donc sur le principe d'une loi qui permette de distinguer les manifestants des casseurs, je n'ai pas d'obstacle de principe, mais en revanche, dans l'écriture fine du texte, ça suppose évidemment de faire en sorte que ce ne soit pas l'arbitraire qui devienne en fait la règle. Soit on a une position qui est de dire c'est l'autorité judiciaire qui est garante des libertés individuelles et des libertés fondamentales, et la liberté de manifester et de manifestation est une liberté fondamentale et constitutionnelle, et à ce moment-là, ça ne peut être qu'un juge qui prononce cette interdiction de manifester, ce qui est le cas en l'état actuel de notre droit, soit on va sur autre chose, quoi. on va sur autre chose, renforcer le pouvoir de l'exécutif, etc. J'avais parlé pendant la loi sur l'état d'urgence, la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, de démocrature, me disant qu'on se dotait de pouvoirs qui sont d'habitude l'apanage d'une dictature, c'est-à-dire un exécutif beaucoup trop puissant, mis dans une démocratie. On y est, quoi. On y est, c'est voilà la démonstration que nous sommes en train de changer de nature de régime et que oui, les libéraux, à partir du moment où il n'y a pas de consentement à leur programme, de consentement à l'autorité, eh ben, ils sont comme à peu près n'importe quel gouvernement autoritaire, ils dérapent. La députée communiste des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon, n'est pas en reste. Elle a interpellé le Premier ministre sur le sujet lors des questions au gouvernement. Affaibli par une crise sociale qui vous dépasse, vous ajoutez une pierre à l'arsenal répressif déjà aggravé par le basculement de dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Mesdames et messieurs les ministres, la démocratie, c'est débattre, mais c'est aussi battre le pavé, contester, s'opposer à l'ordre établi. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Hier, mercredi, la commission des lois a commencé à détricoter le texte. L'article 1, qui établissait un périmètre de sécurité autour des manifestations, a été supprimé. Une bonne nouvelle ? Ce n'est pas certain. Non, c'est même pire. C'est-à-dire qu'on assiste sur un exercice hyper hypocrite. L'article 1, on pourrait se dire, tiens, ça y est, il a été supprimé. Il y a au moins un article qui a été supprimé, celui sur les fanzones. Donc c'est une avancée très claire. Non, c'est pas une avancée très claire parce que, en fait, c'est parce qu'il va y avoir un amendement gouvernemental qui va réécrire cet article pour arriver à peu près à la même chose, mais sans doute essayer de le rendre un peu plus constitutionnel, parce que je pense que le texte et cet article 1, et tous les autres, ne sont pas réellement constitutionnels. Donc on voit ici un jeu de communication qui va nous occuper pendant la semaine, hein, où la République En Marche va dire, bah écoutez, on a pris ce projet de loi parce qu'il était, cette proposition de loi parce qu'elle était disponible. Mais clairement, elle allait trop loin, c'était la droite. Nous, on veut une position d'équilibre, donc on va un peu l'atténuer, l'encadrer. Mais sauf que la philosophie profonde de ce texte, elle reste là. On va inscrire les gens dans un fichier, on va les interdire de manifester, on va criminaliser le fait de porter, de se masquer le visage alors que c'était qu'une amende. On va faire peser une pression juridique et pénale sur les manifestants qui semble beaucoup trop exorbitante au vu d'une liberté qui est constitutionnellement garantie. Dans cette entreprise liberticide, La République En Marche a trouvé des alliés. Les députés LR, bien sûr, mais aussi Marine Le Pen. Voici ce qu'elle répond lorsqu'on lui demande si les députés Rassemblement National vont voter le texte soutenu par le gouvernement. Probablement, on le votera encore une fois en s'assurant qu'il n'est pas utilisé pour être une entrave au droit de manifester pacifiquement dans notre pays. Je pense que tout ce qui peut améliorer la situation de la lutte contre les casseurs doit être accompagné. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous votez un texte, monsieur, que vous l'appliquez. La République En Marche, la droite réactionnaire et le Rassemblement National qui se retrouvent main dans la main pour restreindre le droit de manifestation. On dirait bien que le vieux monde revient au galop. Thank you. Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 911. Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi? Ben, si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qu'ils nous disent pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Depuis plusieurs mois, puis même on pourrait dire depuis 2 ans, là, on n'a pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays est en banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elle provoque la démission du premier ministre et en bloque de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises là, pendant les 15 prochaines années, un taux d'intérêt de 5 %. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93 % des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Là, je parle de prison, là. Oui, oui, on n'est pas tous des mauviettes. Il y a des gens qui se tiennent, il y a des gens avec des colonnes vertébrales sur la terre, là. On n'en parle pas des médias, bien sûr, mais ça existe. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rats qui quittent le navire, là. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuelle, qui est une copie, dans le fond, de la constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement, nationalisation de la banque, référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales, emprisonnement des responsables de la crise, réécriture de la Constitution par les citoyens. Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non, il y a ben trop de monde qui regarde. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde. Mes sources, c'est la liste Parti de gauche 84 par Forum civique européen. 2006, Pluton perd son statut de 9e planète du système solaire. Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly à Paris dédié aux arts premiers. Zidane met un coup de boule d'anthologie à l'italien Materazzi en finale de Coupe du Monde de football. Et le japonais Shinya Yamanaka obtient des cellules souches pluripotentes induites à partir de cellules de fibroblastes de souris. De la peau, quoi. Alors, dit comme ça, ça fait pas rêver du tout, hein, mais en vrai, c'est un truc de fou, hein, je vous promets. Attends, on va expliquer. Bon, si tu veux, pour rassurer tout le monde, on peut dire déjà que tu as eu un prix Nobel pour ça et que presque toute la médecine régénératrice d'aujourd'hui se fonde sur ta découverte. Ça te va? Oui, c'est pas mal. Mais les cellules souches, c'est les cellules de base de notre organisme, celles qui vont engendrer toutes les autres. Parce que vous savez tous que notre corps est fait de milliers de milliards de cellules, mais qu'elles sont de plein de types différents. Les cellules de la peau ne sont pas les mêmes que les cellules de notre cœur ou celles de nos muscles, par exemple. Et les cellules souches, elles sont capables de se transformer en n'importe laquelle de ces cellules. Elles sont miraculeuses. Parce qu'elles peuvent soigner n'importe quelle lésion à n'importe quel endroit du corps. Mais le seul tout petit problème, c'est qu'après 7 jours dans le ventre de notre maman, on en a déjà plus une seule. Elles se sont déjà toutes différenciées. On n'aurait pas un schéma ou un truc pour expliquer? J'ai mieux que ça, j'ai un assistant cellule. Assistant! Oui? C'est drôle. T'as pas la même tête que la dernière fois? Oh, je sais pas. Bon, à partir de maintenant, tu seras une cellule souche. Fais une tête de cellule souche pour voir. Pas mal! Vous en pensez quoi? Non, non, mais vraiment, bien. Merci. Et travail. Bon, maintenant, à mon signal, tu vas réaliser une mitose, c'est-à-dire une division cellulaire, et tu vas te diviser en deux cellules parfaitement identiques. Attention, mitose. Je suis très impressionné. Cette mitose simple, aussi appelée auto-renouvellement, les cellules souches de l'embryon dans le ventre de la mère la font sans cesse pour former petit à petit le corps du bébé dans son ensemble. Mais à partir de quelques jours, elle commence à faire un autre type de mitose. T'es prêt? Ouais, ouais. À mon signal, tu fais une mitose avec un degré de différenciation. Attention, mitose avec différenciation. Tiens, on en a un nouveau. T'es qui, toi? Je suis une cellule progénitrice précurseur du système nerveux. Je suis vraiment très très impressionné. Toi, je te garde. Toi... Cette nouvelle cellule qu'on a là est une cellule différenciée et ce n'est plus une cellule souche, elle commence à avoir un vrai rôle dans la vie. Allez hop, on enchaîne. Encore une mitose avec différenciation. Attention, mitose avec différenciation. Enchanté, monsieur. Bonjour. Mais t'es qui, toi? Je suis une cellule progénitrice précurseur. Mais non, pas toi. Va-t'en, toi. Je suis un neurone, une cellule ultra spécialisée, monsieur, pour vous servir. Je suis vraiment très, très, très, très, très impressionné. Voilà ce que sont capables de faire les cellules souches, et là, c'est qu'un exemple. On aurait pu faire des globules rouges, des fibroblastes, des lymphocytes, Alors, je suis désolé de vous interrompre, messieurs. Mais votre chercheur a beau être impressionné, on n'a toujours pas très bien compris ce qu'il a réussi à faire pour avoir ce prix Nobel. Je veux dire, sans vous offenser, monsieur. Bien vu. Attends, il va te montrer lui-même. Prêt, Yamanaka? Ah, moi aussi, enfin, je peux m'amuser. Tenez, prenez ça. Merci. C'est... Buvez sans crainte, ce sont des facteurs de croissance pour activer certains gènes de votre ADN et un virus à vous injecter pour favoriser la réaction. Enfin, vous êtes sûr? Parce que ça a pas l'air très très bon, ce truc-là, en fait. Hop, hop, hop, on avale tout. Ok. Salut. Et voilà le génie de Yamanaka, il a réussi à obtenir des cellules souches tout à fait fonctionnelles à partir de cellules différenciées. Un génie. Excellent. Le gars, qu'est-ce qui m'arrive? Je me divise beaucoup trop vite. On dirait un cancer. Mais pourtant j'ai apporté la preuve en 2008 que ma technique ne donnait pas naissance à des tumeurs. Apparemment ça marche pas sur les assistants. Un petit peu. Salut Nara. Alexis Poulain, expert en politique européenne, cofondateur du média Le Monde Moderne. Bonjour à vous, merci. Bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Alors, quel regard vous portez sur cette crise franco-italienne à la frontière? Est-ce que, selon vous, cela illustre les divisions en Europe autour justement de cette question migratoire? Oui, c'est une question qui n'est pas récente, hein, qui remonte à il y a très longtemps, avant même l'arrivée de ce gouvernement italien et de Matteo Salvini aux commandes. Le problème européen migratoire, il vient de Dublin, comme vous le savez, c'est-à-dire que le pays d'arrivée, le premier pays d'arrivée doit traiter les demandes. Et souvent, ce sont des pays du Sud ou bien les pays de l'Est qui disent à Bruxelles, on n'a pas les moyens de traiter autant de demandes. Et le fait donc d'avoir un fichier unique d'empreintes et de traiter au cas par cas, disons, est-ce que cette personne peut rester dans ce pays ou bien s'il souhaite venir en France ou ailleurs, comment ça fonctionne? L'Italie, depuis des années, et on le sait, laisse passer des migrants à la frontière franco-italienne en disant, bah, puisque vous ne voulez pas faire votre boulot d'accueil de quotas, eh bien on va laisser passer. Maintenant, la France riposte en disant, bah, puisque c'est ça, nous, on va raccompagner les migrants à la frontière et parfois en allant de l'autre côté de la frontière. Et c'est là où vient le coup de gueule de Matteo Salvini et le fait qu'il va mettre des policiers à la frontière en disant, on en remet. La France utilise, il faut dire, depuis 2015, les nouvelles mesures antiterroristes, notamment de surveillance des frontières. On a accru, puisqu'avant Schengen, les frontières étaient totalement ouvertes, pour accélérer ce raccompagnement à la frontière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant raccompagné, traité des demandes d'asile en disant que celle-ci, ouais. Enfin des demandes d'asile ou de migrants en disant que celle-ci n'était pas possible. Donc c'est plus de 40 000 personnes et une augmentation de 34%, je crois, en deux ans de gens. Mais c'est vrai que dans tout ça, on a vraiment du mal à y voir clair, puisque l'Italie dénonce un refoulement abusif de la part des autorités françaises. Du côté français, on affirme être conforme au droit européen. Ouais. On sait que ce sont les accords de Dublin, en réalité, qui sont en cause dans cette affaire. Mais vraiment, qui croire ? Les deux. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas, alors, finalement finalement, tout est légal, puisqu'on est dans une sorte de trou noir, puisqu'il y a à la fois Dublin, à la fois des lois d'exception, à la fois des règles européennes, mais qui ne sont pas forcément respectées ni par les uns ni par les autres. C'est-à-dire, c'est assez cocasse de voir la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, sur les plateaux, dire « mais c'est pas nous qui avons commencé ». Enfin, c'est à peu près ce qu'elle dit, sans le dire, en disant « vous savez, il faudrait peut-être voir comment ça se passe du côté italien ». C'est-à-dire que c'est un jeu de ping-pong interminable entre les pays européens, parce que personne ne veut se mettre autour de la table et dire on va mettre les moyens, on va s'assurer qu'on peut assurer un accueil dans les populations européennes de ces quelques centaines de milliers de personnes. On n'est plus dans des chiffres où c'était des millions de personnes qui traversaient la Méditerranée en 2015. On est là sur quelques centaines de milliers de personnes. Or, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne veut de quotas. Ça, c'était l'Allemagne qui souhaitait des quotas. En disant, nous, on a fait notre boulot. Vous vous en rappelez, Angela Merkel qui accueille plus de 900 000 réfugiés syriens. En disant, maintenant, à vous de prendre des quotas. Or, vous avez des pays d'Europe, notamment Europe de l'Est, la Hongrie, la République tchèque, etc. Mais nous, on n'a pas envie d'avoir des quotas. Enfin, il faudrait peut-être qu'on discute avant cette politique de quotas. Et puis, c'est un ping-pong. C'est-à-dire que... un ping-pong parce qu'on voit aussi une montée des populismes de l'extrême droite en Europe, notamment à cause de cette crise migratoire. Mais au-delà de ce jeu de ping-pong, qu'est-ce qui est vraiment possible, puisqu'on voit que Matteo Salvini il tend une main à son homologue français en l'invitant à venir discuter. Est-ce que véritablement il y a des pourparlers possibles, une issue possible, une solution possible à cette crise qui est ponctuelle à la frontière franco-italienne, mais de manière plus globale au niveau européen, de manière est-ce qu'on peut arriver à s'entendre sur cette question migratoire? Non, on n'arrive pas. Enfin, le dernier sommet remonte à juin, c'est il n'y a pas très longtemps. Grand sommet européen sur le problème migratoire. Les différents ministères de l'Intérieur se parlent au quotidien sur ce sujet. Il n'y a pas de volonté d'entente politique, parce que c'est quelque chose qui politiquement coûte cher, de dire je vais accueillir des migrants, regardez ce que ça a coûté Angela Merkel dans son pays. C'est compliqué, c'est un problème où personne ne veut le prendre à bras-le-corps en disant faisons un travail d'équipe. L'Europe, elle est là un peu pour ça. Enfin, l'Union européenne, elle est là pour dire, bah, essayons de régler les problèmes quand il y en a. Or, on se rend compte qu'elle est incapable de régler ce problème d'immigration. Pourquoi ? Parce que les États membres ne jouent pas le jeu. Quand le principe des quotas est posé sur la table, personne n'en veut et on dit, bah, finalement, on le fera pas et c'est comme ça. Et puis, vous avez ce problème de ping-pong, mais qui va même au sein des États. C'est-à-dire que quand on ferme Calais, on a des camps de réfugiés qui arrivent dans Paris. Paris, la mairie va dire que c'est la faute de la région va dire que c'est l'État, et personne ne veut prendre en charge ce principe d'accueil, ce principe aussi de traitement des dossiers, et dire qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Matteo Salvini arrive en Italie, il dit « moi, j'accueille plus l'Aquarius, moi, je vais voir les Libyens, je dis aux gardes-côtes libyens, vous arrêtez les bateaux, vous vous débrouillez, mais je veux pas qu'ils passent vos frontières », et maintenant, on voit que la route migratoire va aller vers l'Espagne. Donc, le problème n'est jamais traité, le problème se déplace, mais jamais il y a une volonté politique de traiter ce problème. C'est toujours « on verra ce que fera le voisin, moi, j'ai fait mon boulot », et là, typiquement, la frontière italienne, c'est un exemple catastrophique, lamentable en termes de droits humains, c'est de dire, bah, écoutez, oui, les Italiens laissent passer, alors nous, les Français, on ramène. Mais ces pauvres gens-là qui viennent, qui cherchent à aller quelque part, certains qui ont des familles en Europe, d'autres qui ont peut-être des projets d'installation aussi, pourquoi on les traite comme ça? Pourquoi on en fait des balles et de ping-pong systématiques? Juste pour terminer, la solution, c'est réellement de s'entendre sur les quotas, c'est de renégocier les accords de Dublin, de relancer... Tout le monde sait qu'il faut renégocier les accords de Dublin, trouver une autre façon de faire l'accueil. Et déjà, on est à Dublin 2, Dublin 3, on commence à dire qu'il va falloir voir les choses. Les quotas, pourquoi, comment ? Il faut voir aussi, il faut avoir des projets aussi nationaux d'insertion, en disant ça sert à rien de mettre des quotas si les pays ne veulent pas. Il faut travailler travailler avec les pays. Et puis, il faut se rappeler que ce flux migratoire, l'émigration, c'est un phénomène persistant, assez banal, vous diront les chercheurs en migration, qui a toujours accompagné l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pas une question de « ça va s'arrêter, on va faire des murs, la Méditerranée, on va mettre des grillages au milieu ». C'est pas ça qui va régler le problème. C'est des côtés des deux rives, c'est aussi, dans chaque État, voir ce qui se passe aussi au Maghreb, voir ce qui se passe aussi en Libye, voir ce qui se passe en face, et voir comment on peut travailler ensemble pour dire, mais vous savez, ce problème-là, il est là pour durer, et il va falloir en faire vraiment quelque chose. Merci beaucoup Alexis Poulain pour avoir répondu à nos questions. Thank you. parler de ce rejet, nous recevons Alexis Poulain, cofondateur du média Monde Moderne. Bonsoir Alexis Poulain, merci d'être avec nous. On l'a vu, hein, sans surprise, le Parlement qui a rejeté cet accord. Alors tout de même, il l'a rejeté copieusement. On rappelle le score, 432 contre, 202 pour. Et il faut noter qu'il y a 118 conservateurs, donc voilà, des membres de la majorité qui ont voté contre leur première ministre. Ça dit quoi tout de même? C'est un sacré coup de massue pour Theresa May. Ça dit, et c'était prévisible, que Theresa May est extrêmement isolée, que ce Brexit reste dans les mains des politiques britanniques, avec derrière, non pas la volonté de faire un Brexit ou quoi que ce soit, mais d'utiliser, d'instrumentaliser ce Brexit à des fins politiques. Ça a été le début de cette affaire. Rappelez-vous, c'est David Cameron qui, le premier, a lancé l'idée sur la table d'un référendum parce qu'il voulait simplement s'assurer le leadership du Parti conservateur. Tout ça a fini en autre boudin, on voit où on en est. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Theresa May prend d'une certaine façon en otage ce Parlement en disant, vous savez, c'est ce deal-là et rien d'autre. Si vous votez contre, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai négocié pendant 17 mois. Là, on a une date clé qui est le 29 mars où cet accord doit commencer à entrer en fonction avec une période de transition. Si vous votez contre, qu'est-ce que vous proposez? Évidemment, c'est pas là le lieu du débat. Il faudrait beaucoup plus de mois pour remettre le Brexit sur la table, retrouver des solutions et dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, les Britanniques ont tout à perdre avec ce deal du Brexit. C'est extrêmement compliqué, à la fois pour les régions frontalières, les régions qui font beaucoup de commerce avec la Grande-Bretagne, pour les flux maritimes, pour les flux d'avions, et enfin tous ces accords qu'il va falloir renégocier alors que l'Europe posait un cadre. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu injuste, je vais me faire l'avocate du diable, pour Theresa May, est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux à sa place? Est-ce que ce n'est pas, comme vous venez quelque part de le dire, si je vous comprends bien, l'essence même du Brexit qui est très compliqué, qui est insurmontable quasiment à négocier et à cadrer? C'est une négociation incroyable. Enfin, toutes les négociations commerciales d'ampleur prennent des années. Là, on demande en quelques mois de sortir d'un traité, du traité européen, en disant, voilà, vous allez trouver un nouveau deal qui fera que vos citoyens et les citoyens européens ne vont pas perdre, et il faut trouver un deal gagnant-gagnant. C'est impossible. Dans une négociation, il y a un gagnant et un perdant, toujours. Là, les perdants, majoritairement, sont les citoyens britanniques, qui ne vont pas retrouver un marché à la hauteur de ce qu'était la proposition européenne sur la table. Pourtant, ils ont voté pour ce Brexit. Ils ont voté, mais... C'est d'ailleurs un déni de démocratie, non ? Finalement, non, le Parlement qui vote contre, alors que le peuple voulait sortir. Le Parlement vote contre la proposition, oui, tout à fait, d'accord, de sortir. Mais il ne vote pas contre l'accord. Personne aujourd'hui ne remet sur la table un deuxième vote en disant il faut revoter, refaire le match du Brexit. Enfin, certains oui, dont Tony Blair, d'anciens dirigeants britanniques, appellent à revoter. Mais les parlementaires britanniques aujourd'hui n'ont pas mis de côté l'idée de continuer, de trouver un nouvel accord en disant simplement cet accord-là ne nous satisfait pas. Ça vous semble exclu, justement, un nouveau vote? Quelles sont les solutions les plus probables ces prochains temps? Parce qu'on rappelle qu'elle a 3 jours là pour sortir un plan B, ça va être compliqué. Déjà, voir quelle va être la nature du plan B. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à récupérer des parlementaires de sa majorité? Ça me paraît compliqué vu le nombre qui a voté contre déjà aujourd'hui. L'autre solution, c'est d'allonger la période de transition en disant écoutez, on ne peut pas trouver un accord si rapidement. En revanche, on peut rester dans l'Union européenne d'une certaine façon, et pour éviter qu'il y ait des blocages avec des problèmes de commerce, de flux et simplement d'intégration, alors on va faire en sorte que cette période de transition qui devait courir jusqu'en 2020 aille beaucoup plus loin. Et puis la date du 29 mars, il va peut-être falloir la revoir en disant on ne peut pas en l'état commencer avec ce Brexit-là. Et puis il y a aussi la possibilité qui a été offerte par la Cour de justice européenne en disant vous pouvez aussi décider de tout jeter en disant c'était une blague, on arrête et on va rester, sachant que la Grande-Bretagne doit encore payer de toute façon sa cotisation à l'Union européenne pour l'exercice budgétaire qui vient. Alors l'Union européenne a rapidement pris la parole, hein, elle a affirmé qu'elle resterait unie par l'intermédiaire du chancelier autrichien, et surtout qu'elle ne renégocierait pas, elle l'avait déjà dit hier, c'est à prendre ou à laisser, ça va compliquer la donne quand même de nos amis britanniques. Je pense que les responsables européens vont attendre la proposition, la nouvelle proposition de Theresa May et vont bien sûr aider à un deal. Personne n'a intérêt à un no deal. Personne n'a intérêt à ce qui n'est pas d'accord. Donc il va falloir travailler de part et d'autre à une solution qui permette de sauver les apparences, au moins si ce n'est pas de sauver ce qui reste à sauver pour les Britanniques notamment. Donc reste à voir quelles seront les réponses. Mais clairement, les partenaires européens ont décidé de faire front commun et il n'y aura pas d'accords bilatéraux qui vont être qui avec les Pays-Bas, qui avec la Belgique, qui avec la France. Non, la réponse, elle est unique en disant ça se négociera avec Michel Barnier à Bruxelles. Et maintenant, c'est à vous un peu de faire un effort, les Britanniques, parce que ce que vous faites, vous, les élus britanniques, c'est jouer avec le feu parce que vous ne proposez pas d'accord. Alors, ça se négociera avec Michel Barnier. Est-ce que ça va se négocier avec Theresa May, qui est très, très fragilisée, hein, on le rappelle. C'est ma dernière question. Elle est fragilisée depuis quelques mois. Elle tient bon avec cette idée de dire j'ai commencé la négociation, j'irai jusqu'au bout. Ça me permet de tenir au moins d'avoir un peu de cohérence. Là, la majorité, 118 contre. Alors, sa majorité commence évidemment à lever, à ruer dans les brancards. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont voter la motion de censure de Jeremy Corbyn. Aujourd'hui, les conservateurs n'ont aucun intérêt à tenir des élections anticipées. Ils sont à peu près sûrs de perdre. Là, le Labour, les travaillistes, pourraient l'emporter. Ça remettrait tout en cause. S'ils veulent jouer, et aujourd'hui, c'est une guerre interne au parti, comme depuis le début de ce Brexit, entre les pros, les anti, et ceux qui veulent la place du calife à la place du calife, en disant qui va remplacer Theresa May pour faire cette impossibilité qu'est le Brexit aujourd'hui. Merci Alexis Poulain, en tout cas, de votre analyse et de vos réflexions directes sur RT France. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup de sourdine, dessus de combine, et ta vie ton radar, tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or, tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts, méfie la mafia radine. T'as une bonne place à l'usine, c'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia, un petit pourliche. Et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup comme si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, et la mafia qui se cavale. Carrefour loué sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent au riche. Alors que ça sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. C'est très clairement ce qu'on appelle un passage en force. Ce vendredi, en tout début d'après-midi, la tension est montée d'un cran entre délégués syndicaux et adhérents de l'association de défense de l'hôpital de Remiremont et les membres du comité de pilotage qui devait signer le plan de performance des hôpitaux d'Épinal et de Remiremont. Entendez la feuille de route qui va sceller leur avenir en termes, par exemple, de projet médical et de répartition des soins. Après une demi-heure de tergiversation, les opposants ont pu échanger avec le directeur de l'ARS Grand Est, discussion qui a toutefois assez rapidement tourné court. Les opposants au plan de performance en général et à la dégradation des conditions de travail en particulier, dégradation qu'entraînerait selon eux la suppression de 244 postes sur les deux hôpitaux. C'est de la, une offre de soins qui diminue, il y a des services qui vont être mutualisés entre Épinal et Remiremont. L'exemple simple, c'est celui de la maternité. On va supprimer une maternité sur les deux, c'est forcément des gens qui vont habiter des vallées un peu éloignées à l'est des Vosges vont devoir venir à Épinal pour accoucher. Enfin, on est éloigne forcément les usagers des lieux de soins. Nous, ce qu'on veut, c'est que le contrat de performance ne soit pas signé, qu'on reparte en comité de pilotage, mais avec tous les acteurs concernés, et qu'on trouve effectivement des solutions. S'il y a des efforts à faire, on veut bien l'entendre, mais que tout le monde soit concerté. C'est noté, non seulement dans le contrat, qu'une infirmière sera présente le week-end, hein, avec deux aides-soignantes sur deux étages, avec 14 lits de chaque côté, c'est-à-dire 28 lits pour une seule infirmière. C'est aberrant, c'est inacceptable. Ça sert à rien, moi je dis toujours, de nous inviter à des réunions de co-construction si c'est pour faire ce qu'on veut. De toute façon, on le voit bien au niveau national, on arrive à une situation de blocage où on est obligé de faire un grand débat pour peut-être enfin écouter le peuple français. Et je pense que aujourd'hui c'est la manifestation de cette colère, une colère qui monte de un peu plus de 2 ans. La signature n'ayant donc pas pu se faire au siège de l'ARS, les membres du comité de pilotage se sont retrouvés en préfecture. Une première signature se fera en fait en mars sur les 12 millions d'euros d'économies de fonctionnement à réaliser. Économies qui permettront l'octroi d'une nouvelle dotation de 36 millions. Une seconde signature sera faite en mai sur le projet médical partagé. Pour le maire d'Épinal, dont le nouvel hôpital doit ouvrir en septembre 2020, il est grand temps que les choses avancent. C'est exaspérant, effectivement, enfin, de mon point de vue en tous les cas, de voir que ce projet n'avance pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle je souhaite que le centre hospitalier d'Épinal, Émile Durkheim, travaille en collaboration plus étroite encore avec le CHU. Nous ouvrons un hôpital et nous n'avons pas le temps d'attendre des tergiversations qui n'en finissent pas. Et là aussi, ça peut, je le dis pour le personnel, ça peut déployer de nouvelles activités. Pour le directeur de l'ARS et le directeur des deux hôpitaux, il fallait aller malgré tout au bout du processus. Si on parle du projet médical commun, 150 pages ont été écrites dessus et il doit y en avoir moins d'une dizaine qui posent problème. Donc, vous voyez qu'on a fait le plus gros du chemin. On a à mieux organiser ce qu'on appelle, nous, des parcours. C'est-à-dire, on est plus en charge dans un hôpital au départ, puis on va terminer dans un deuxième hôpital après. Ça peut être aussi un parcours qui se termine au CHU de Nancy. Cette organisation, donc la répartition des activités, le fonctionnement des équipes sur les deux sites, elle doit être redéfinie en profondeur sur ces grandes filières qui sont les personnes âgées, la périnatalité, la cancéro, les urgences. On a un travail qui n'est pas simplement un travail de dire on fait ça à Épinal, on fait ça à Remiremont, c'est un travail de dire comment se fait le parcours du patient et comment on crée des équipes communes, parce que vu par un jeune professionnel en formation à Nancy, ce qui est attractif, c'est pas d'aller dans un hôpital ou un autre, c'est justement qu'il y ait des projets fédérateurs et des équipes communes aux deux hôpitaux. Des directeurs qui se sont engagés par ailleurs à recevoir les syndicats, première signature prévue donc, appelons-le en mars. J-K-K-K-L-L-M. Everyone is good now. Yeah. Because jingle is not life. We came from down to up now. But thanks God. Now it's good now. I think it's the first time to see Europe now. On parlait du discours de Monsieur Valls avant-hier quand il est venu ici. Monsieur Valls qui vient d'Espagne. La préfète du Pas-de-Calais qui a des origines italiennes, et le président de l'OFPRA qui a des attaches avec l'Allemagne. Donc tout ça fait la France. Eux, donc, c'est féminin. Anne. L'âne. Un âne. Elles sont... Elles. Oui, obéissant. Elle. Encore un L. Le verbe, c'est obéir. Obéir. Super. La fille. Au revoir. Offebera. Allez-y, compagnie. Ok, je vais en mettre. Viens là.

Alors effectivement, c'est une question extrêmement importante. Comme scientifique, on pourrait se dire, j'ai vu une chose, j'ai fait une observation, et donc parce que je l'ai vu, c'est vrai. Et je vais essayer de vous convaincre que parce que je l'ai vu, c'est vrai, c'est une phrase dont il faut se méfier. Et vous avez le premier exemple qui est ici. Vous connaissez tous ces trompe-l'œil que certains dessinent sur les trottoirs. Et là, on voit un personnage qui allait être au bord d'un gouffre immense. Et en fait, c'est un dessin sur le sol qui est fait. La photographie est prise du point particulier où on a l'impression que le personnage, l'artiste, est au bord d'un énorme gouffre. Alors, les trompe-l'œil sont déjà des classiques de l'art, de la représentation artistique ou même de l'art de rue. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui font partie de ce qu'on appelle les illusions et qui permettent de se rendre compte que nos sens nous trompent, que nos yeux, mais on va voir aussi que notre cerveau, peut être pris en défaut. Alors, première série d'images. Alors, certains d'entre vous, les collèges, je pense les plus grands vont connaître pas mal d'images. Les plus jeunes, peut-être pas. C'est surtout à eux que ça s'adresse. Pour ça, combien vous voyez de cubes sur cette image ? 6, j'entends. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on voit 6 cubes ? On est d'accord ? Bon. Alors maintenant, regardez, tout ce qui va se passer, c'est que l'image, c'est la même image, vous me croyez, je ne la bricole pas, elle est juste retournée. Que vous en voyez combien ? 6 ? Non ? 7 ? C'est la même image. D'accord ? Elle a juste été retournée. Et selon la façon dont on lit l'image, avec cette impression de relief qui est faite, mais il n'y a pas de relief, c'est l'image plane, mais dont les éléments s'agencent entre eux, vous font donne l'illusion d'avoir 6 cubes ou 7 cubes selon la façon dont vous la regardez. C'est la même image. Alors dire elle a 6 cubes, c'est aussi faux que dire elle a 7. Il faut préciser dans quel contexte. Ça, en science, c'est important. Quand on a vu une chose, dans quel contexte on l'a vu ? Vous connaissez ces vieilles images ? Qu'est-ce que vous voyez là, comme animal ? Mademoiselle ? Un canard. Qui voit un canard ? Qui voit autre chose qu'un canard ? Alors, vous voyez quoi, ceux qui voient autre chose qu'un canard ? Un lapin ? Voilà, c'est un canard ou un lapin. Et quand on regarde cette image la première fois, on voit tout de suite soit un canard, soit un lapin. Et puis dès qu'on la regarde un peu mieux, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ceux qui voient un lapin, on a compris où était le petit museau du lapin. Il est à la droite. Et puis le bec du canard, il est vers la gauche. Mais c'est aussi les oreilles du lapin. Des images ambiguës. » En voilà une autre que vous connaissez sûrement dans les images dites d'Épinal. Il faut trouver qui est le gosse, où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo. Ce sont des images ambiguës où sont dessinés dans le paysage un personnage qu'on ne voit pas spontanément. Vous avez vu où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo ? Vous voyez où il est ? Il y a des images d'Épinal comme ça, des dizaines. Eh bien, regardez la barbichette du gendarme. C'est aussi la touffe de cheveux, pour ceux qui en ont, la touffe de cheveux du jeune homme dont les regards... Alors évidemment, avec le pointeur laser, ça ne va pas le faire parce que ce n'est pas un écran. Mais on voit, regardez, je vais me mettre là, comme ça vous allez le voir. Il est là, regardez, il y a son nez, son œil et sa touffe de cheveux. Et son visage, il est là. D'accord ? Vous le voyez ? Et alors ça, ce genre d'image, on peut chercher, c'est une petite énigme. Chercher où est le gosse qui appelle le gendarme Ramolo. Et deuxième image très célèbre, vous voyez quoi ? Vous pouvez voir soit une jeune fille, soit une... Alors en tout, il y a marqué « Mother in law », une belle-mère. Donc bon, c'est pas très agréable pour les belles-mères, mais... Alors on voit soit une dame plutôt âgée, dont on voit ici le gros nez, l'œil, la bouche et un menton. Mais on peut voir aussi une jeune fille avec son petit bout du nez, sa jolie mâchoire et son œil avec son sourcil, mais qui tourne le visage de l'autre côté. D'accord ? Voilà encore une image ambiguë. Et quand on regarde l'image en première intention, on voit quelque chose... Et on ne voit pas les deux à la fois. On voit soit l'un, soit l'autre. Et c'est à peu près écu réparti, soit l'un, soit l'autre. Il y a aussi toute une catégorie d'images, là, qui ne sont pas ambiguës, mais qui sont ce qu'on appelle des illusions d'optique. Je les appelle plutôt illusions géométriques, où ce qu'on perçoit, pour le coup, il n'est pas ambigu. Il y a une solution, mais il y en a une autre. C'est contraire à la réalité. On perçoit une chose, et la mesure montre que c'est autre chose, la réalité. Illusion très connue, illusion de Müller. Quel est le trait le plus long ? Ne me dites pas ce que vous pensez être la bonne réponse. Dites ce que vous voyez. Celui du milieu. On est parfaitement d'accord, le trait le plus long est celui du milieu. Et regardez, j'ai remis la même image en mettant en rouge les traits, en les alignant. Ils ont tous les trois la même longueur. Strictement la même longueur au pixel près. Autre exemple très connu, quel est le disque orange qui est le plus gros ? C'est celui de droite, celui qui est à droite, entouré par les petits. Et si j'enlève maintenant tous les disques grisés qui sont autour, là, vous les voyez mieux ? Ils ont la même taille. Donc, si vous dites, ah mais j'ai vu celui de droite plus gros, parce que disons que c'est la vérité, imaginez, si c'était ça qui doit décider de la culpabilité de quelqu'un dans un procès, vous diriez de bonne foi, oui, le disque droite est plus gros et donc il est coupable. Bon, il y a un raisonnement que je saute. Il n'y a pas tellement de lien, mais bon. Mais vous avez fait de bonne foi un témoignage qui est faux. D'accord ? Qui est faux et qui est induit en erreur, qui est contraire à la réalité. Alors, une illusion bien connue, c'est l'illusion de Ponzo. Quel est le trait rouge le plus grand ? C'est celui à droite, qui a l'air au fond. Je dis qu'il a l'air au fond parce que cette image est encore une image plane, et on voit les lignes de fuite prises dans le métro londonien donnent une impression de profondeur. Et le trait rouge à l'arrière, à droite, il est plus haut, on a l'impression qu'il est plus haut que le trait rouge à gauche, devant. Et si j'enlève maintenant l'image du métro, ils ont la même longueur. Alors cette illusion de Ponzo, elle est très célèbre, on est très souvent victime. Quand on regarde la Lune se lever, on dit « Ah, oh, elle est énorme !» Mais quand la Lune se lève et puis qu'elle monte dans le ciel, à l'horizon, si elle fait un cercle autour de vous, la Lune tourne autour de la Terre, à l'horizon, la distance qui vous en sépare, elle est plus grande que quand elle serait très haut dans le ciel, elle est plus grande d'environ le rayon de la Terre. Elle devrait être un tout petit peu plus petite. Elle l'est en pratique, imperceptible à nos yeux. Pourtant, on la voit plus grande. À cause de l'illusion de Ponzo, votre cerveau attribue automatiquement une taille plus grande aux objets qu'il pense plus lointains. Il n'y a pas forcément d'argument pour dire qu'ils sont lointains. Et quand on regarde, dans le cas du métro londonien, à cause des lignes de fuite, on pensait que la ligne de droite était plus lointaine que celle de gauche, et donc le cerveau lui donne automatiquement une taille plus grande. Dans le cas de la Lune, vous pourrez regarder une fois en pleine nuit, vous regardez l'horizon, vous regardez le zénith, et vous vous demandez qui est plus proche. Ben, c'est pas facile à dire, hein. Un point du ciel près de l'horizon et un point du ciel au zénith, vous n'avez aucun argument pour dire qui est plus proche, surtout que vous regardez l'infini du cosmos dans les deux directions. N'empêche que vous aurez du mal à vous convaincre que l'horizon n'est pas plus proche. L'horizon, il est plus loin pour vous qu'un point qui est situé exactement au-dessus de votre tête. Et comme vous pensez que l'horizon est plus loin et que vous voyez la Lune à l'horizon, vous lui donnez une taille plus grande. Et donc vous avez l'impression que la Lune est énorme quand elle se lève et qu'elle diminue en se levant. Si vous faites des photos et que vous mesurez la taille de la Lune sur l'horizon et dans le ciel, la même taille, à un tout petit détail près. Alors regardez ça, ça c'est spectaculaire. La spirale de Fraser. Là, c'est manifestement des spirales qui sont dessinées. Sauf que, regardez bien, je vais prendre mon doigt et je vais suivre un trait. Regardez bien, j'ai pris mon doigt, je suis un trait. Est-ce que je vais en spirale ? Pas du tout. Il n'y a aucune spirale dessinée. J'ai mis les traits rouges pour montrer les cercles qui sont dessinés. Sur cette image, il n'y a que des cercles. Des illusions de contexte aussi spectaculaires, ça c'est des illusions d'optique, de compréhension, notre cerveau comprend mal le monde. Des illusions de contexte, ça veut dire ce qu'il y a autour influence ce que vous voyez. Premier exemple, si vous regardez cette image, vous devez voir des points clignotants aux intersections, pas blancs. Parce que votre regard balaye en permanence l'écran et vous voyez, la rémanence fait que vous voyez des petits ronds grisés aux intersections qui sont normalement complètement blanches. Si vous en fixez une, elle est blanche, parfaitement blanche. Autre exemple, très connu, l'échiquier d'Adelson. La case A et la case B sont de même couleur. Je répète, elles sont de même couleur. La preuve, je masque l'ombre, elles sont de même couleur. D'accord ? De même couleur. Les peintres ont utilisé ça. L'éclair obscur, c'est l'usage du contexte pour faire percevoir de la lumière comme si elle venait du tableau. C'est des choses connues depuis longtemps. Le motif de Kanizsa, vous connaissez ça aussi, on voit le triangle comme s'il était posé en blanc dessus. Des illusions de mouvement, je montre celle-là quand même. Ça bouge, il n'y a rien qui bouge, c'est pas un film, c'est une image fixe. Ce qui fait que ça bouge, c'est vos yeux qui se déplacent et qui font bouger. Si vous fixez ça, si vous regardez fixement un rond noir là, ça ne bouge plus. Et dès que vous commencez à balayer votre regard, ça bouge. Une autre encore pour finir, regardez ça. Ça bouge. Et non, en fait, ça ne bouge pas. C'est une image fixe, ce n'est pas un film. Là là, voilà, c'est pour vous dire, voilà. Là, ça fait tourner lunettes, le cerveau. Exactement. Alors, ce n'est pas besoin de lunettes, c'est votre cerveau. Avec les lunettes, on se fait avoir. Sans lunettes, on se fait avoir. C'est le cerveau, la façon dont il lit le monde en fonction de ce qu'il sait déjà du monde et de la façon dont il fonctionne. Donc en fait, on est complètement biaisé, ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas si simple. Autrement dit, dire je l'ai vu, donc c'est vrai. D'accord. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu Fred là-bas qui vous attend. Ah, il y a Fred, donc il est vrai. Donc ça, c'est pour de vrai. Ça, c'est pour de vrai. Bravo. Bon, la petite télécommande. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Roland. Charline Vanhoenacker, depuis un mois et demi, le président vit reclus à l'Élysée, limite les sorties. Mais aujourd'hui, il retourne à la rencontre des Français. Ce sera dans le département de l'Eure. Le chef de l'État ne sort plus pour éviter les huées, les invectives, voire les menaces. Qu'il semble loin aujourd'hui, le temps béni, où il se prenait un œuf sur la tête au salon de l'agriculture. Comme l'a titré Le Monde, le président est bunkérisé à l'Élysée. Il n'ose plus mettre le nez dehors. On se croirait à Brégançon, mais sans la piscine. Rester cloîtré, c'était pas prévu dans son projet. Quel coup de bol qu'il ait décidé de refaire la déco de la salle des fêtes finalement. Au moins, il peut vivre dans une ambiance cocooning. Le président en a marre d'être détesté. Il se demande pourquoi en France, il n'y a que Laurent Delahousse qui semble comprendre. Moi, depuis presque 2 mois, c'est fini les sorties du samedi soir. Du coup, il a pris un abonnement à Netflix. À part ça, il a plus le goût à rien, il laisse la moitié de son cordon bleu dans son assiette. Il a bien essayé de téléphoner à Raymond Domenech pour lui demander comment il avait réussi à s'en sortir après 2010. Mais même lui ne veut pas lui répondre. Alors si ça s'arrange pas, il ira voir un psy. Le même qui s'était occupé de Juppé en 95, il est tout indiqué. Macron sent bien que certains de ses soutiens ont pris leur distance. Même Gérard Collomb n'a pas pris de ses nouvelles depuis 2 semaines. Et quand son téléphone sonne, il ne prend même plus la peine d'en regarder. 2 fois sur 3, c'est Benalla qui l'appelle. Même Nemo refuse de grimper sur ses genoux. Le président perd confiance en lui. La preuve, il ne nous parle plus. Maintenant, il nous écrit. Aujourd'hui, il fait sa première sortie depuis la crise. Il s'est préparé pour prendre un minimum de risques. Il a des boules qui hissent et puis il a pris son protège-dents que Brigitte lui a offert à Noël. En plus, il y a Brune Poirson qui lui a donné 4 heures de cours particuliers de kung-fu qu'elle a appris à Shaolin. Il a demandé à Cédric Villani de lui programmer un GPS qui évite systématiquement tous les ronds-points. Et il a fait des mises en situation afin d'éviter un nouveau dérapage. Castaner s'est déguisé en chômeur en disant au président « Monsieur, je galère, je voudrais un job ». Alors au départ, Macron n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un exercice. Et il lui a répondu « Écoute, tu m'as déjà fait le coup il y a 4 mois pour que je te donne le ministère dans l'intérieur, tu vas pas recommencer. Oh non, et puis zut, à la fin, comment voulez-vous qu'il soit pas déconnecté des réalités quotidiennes s'il peut même plus sortir de l'Élysée? Alors là, il tente une échappée. Il sera donc aujourd'hui à grand débat pour lancer le grand bouc de Rould. Non, t'as dit à moi que ce soit le contraire. Merci Charline Vanhoenacker. Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde. Avec 10 hommes d'équipage, on s'en va au bout du monde. Avant, il en fallait 30, c'était pas rentable. On voit la fin au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalair. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard hors de la compétition. Il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage, l'Europe verte sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalair. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalair. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantes ou à Brest, licencie les entreprises. aux ouvriers qualifiés. On dit c'est la crise, faudra faire ses valises pour les pays de misère où le patron délocalise pour enrichir ses actionnaires. Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Puisqu'on vire les fonctionnaires, tra-la-la-la-l'air, sur les rôles du Pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des uniformes pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Revue de presse. Eh bien, comme d'habitude, je vais utiliser surtout Vosges Matin, le seul journal qui nous reste dans le coin. Hein. On n'a pas tellement le choix. Hein. On a un journal, le journal. Et puis, une fois n'est pas coutume, de temps en temps, quand ça se présente, quand même, je vous lis des choses qui sont prises dans d'autres journaux. Hein. Par exemple, la Tribune des Travailleurs numéro 173 du mercredi 23 janvier 2019. Eh bien, derrière le rideau de fumée du grand débat, entre guillemets grand débat, ce sont nos retraites qu'ils veulent détruire. Sur 1000 euros de dépenses publiques, prétendent-ils, 268 sont consacrés à la retraite, 191 à la maladie, soit en y agrégeant les autres dépenses sociales, chômage, famille, APL, etc., 575 euros pour la protection sociale, à quoi s'ajoutent 96 pour l'éducation. Les deux tiers de la dépense publique seraient donc gaspillés en ces dépenses improductives. Les retraités, les malades, les assistés et les jeunes. Avec la réforme des retraites en préparation, les retraités vivront moins longtemps et plus misérablement, mais banquiers et industriels continuent à s'engraisser. Voilà pourquoi cette réforme doit être bloquée. Réduire les dépenses de l'État. Point d'interrogation. Et les 40 milliards d'euros versés aux patrons au titre du CICE, prétendument pour créer des emplois et qui n'en ont jamais créé un seul. Point d'interrogation. Et les 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires des groupes du CAC 40 pour l'année dernière, produits de l'exploitation des travailleurs. Point d'interrogation. Et les 41 milliards d'intérêts de la dette versée aux grandes banques internationales. Point d'interrogation. C'est bien une politique de classe que Macron met en œuvre, la politique dictée par les banquiers, les capitalistes, les spéculateurs et l'Union européenne. À cette politique de classe, nous estimons urgent que s'oppose une autre politique de classe. Celle-ci se concentre dans un mot d'ordre très simple, ne touchez pas à nos régimes de retraite. Point d'exclamation. La grève générale ouvrière est le seul moyen pour défendre et préserver les intérêts du peuple travailleur face à une minorité de profiteurs et de spéculateurs qui n'ont d'autres préoccupations que de faire grossir leurs profits. Nous voulons aider à ouvrir la voie à l'action de millions et de millions d'hommes, de femmes, de jeunes, de toute la classe ouvrière rassemblée qui abattra cette politique de misère et de déchéance. Une exigence démocratique. Confiscation des 138 milliards d'euros immédiatement disponibles pour satisfaire les besoins du peuple travailleur. 40 millions d'euros versés aux patrons au titre du CICE prétendument pour créer des emplois et qui n'en ont jamais créé un seul. 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires des 40 groupes du CAC 40 pour l'année dernière, produit de l'exploitation des travailleurs. 41 milliards d'intérêts de la dette versés aux grandes banques internationales. Voilà. Alors, si on n'est pas écœuré, si on n'a pas envie d'agir, Eh ben, c'est que tout espoir est perdu. Il n'y a plus qu'à se jeter sous le train, ou à jeter les responsables. Je ne sais pas trop comment il faut faire. L'électron est toujours immortel. Voilà. Alors ça, c'est Vosges matin du vendredi 15 avril 2016. L'électron, voilà, enfin une nouvelle qui est positive. L'électron est toujours immortel. Physique, la durée de vie d'un électron est d'au moins 66 milliards de milliards d'années. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Il y aura des électrons, alors que nous, on aura complètement disparu. Eh bien, les électrons continueront à exister, à graviter sans doute autour d'un quelconque noyau. Désintégration des électrons du liquide en un neutrino et un photon. Voilà, alors conservation de la charge électrique lors d'une désintégration. Voilà, alors autre chose, tiens, pollution. Moins de mercure dans l'atmosphère. Une équipe américaine vient de résoudre une contradiction qui laissait les scientifiques perplexes. Les émissions mondiales de mercure, qui se transforment en méthylmercure, un neurotoxique puissant, semblaient à la hausse alors que leurs mesures atmosphériques baissaient. Selon ces chercheurs, ce sont finalement les émissions qui étaient surestimées. L'orpaillage artisanal qui utilise du mercure n'a en effet pas augmenté et les réglementations ont réussi à réduire les émissions des centrales à charbon et à éliminer le mercure des produits commerciaux. La baisse des émissions est désormais évaluée à 20% depuis 20 ans. Voilà, ça c'est tiré de Science et Vie, enfin Vosges Matin qui a publié des extraits d'articles de Science et Vie, comme quoi on peut être un journal local et s'intéresser quand même à la science. Ben oui, c'est une bonne chose. Vosges Matin encore, exonération de taxes pour les libraires indépendants. Il s'agit du conseil départemental. Vosges Télévisions, les élus ont décidé de reporter à Vosges Télévisions, éditrice de la chaîne Via Vosges, un concours financier de 840 500 euros correspondant à sa contribution en tant qu'actionnaire majoritaire de la SAEM. Ah, ben alors si le conseil départemental se met à aider les organismes de presse qui sont utiles, on n'en doute pas, ils vont sans doute aider Radio Gimeuzo à améliorer son budget, hein, bien sûr, ce qui nous permettra de créer des emplois et d'améliorer encore notre prestation, encore si possible. Une classe de maternelle menacée à Éloie. Des parents d'élèves étaient mobilisés ce lundi pour protester contre le risque de fermeture d'une classe d'école maternelle à l'école Fanny Salmon. Ils y voient une menace, la menace de l'apprentissage insupportable pour les enfants. Alors rappelons que l'école Fanny Salmon doit son nom à une institutrice, Fanny Salmon, qui est partie emmenée par la police française et la police allemande dans les années 40, direction un camp de concentration où elle est morte, déportée. Hein? Voilà, alors assurance chômage, le patronat claque la porte, social, contrat court, arrêt sur le bonus malus. Les organisations patronales ont suspendu lundi leur participation à la négociation sur l'assurance chômage, fâché par la détermination d'Emmanuel Macron à mettre en place le dispositif réclamé par les syndicats pour lutter contre la précarité. Alors, l'école Fanny Salmon et le chômage, aucun rapport? Eh bien, peut-être que si. Peut-être que si, vous voyez, les articles se suivent comme ça, et apparemment, il n'y a pas de lien. Mais on peut en trouver quand même. Parce que en 2019, il y a en France 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 30 000 sans-abri qui passent l'hiver dehors, hein, qui dorment dans la rue. Et donc 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en Allemagne en 1932-33. On sait ce que ça a donné comme résultat. Voilà. Alors le résultat, c'est que les nazis sont arrivés au pouvoir et ils sont responsables de la Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts, les camps de concentration, les camps d'extermination et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors s'il n'y a pas de rapport entre ceci et cela, vous voyez, quelquefois, en cherchant un peu, on arrive à trouver des traits d'union entre les différentes choses. Alors Macron-Philippe ne touchez pas à nos retraites. La retraite par points, ce serait J'ai assez de points, je pars à 62 ans, je n'ai pas assez de points, je reste. Libre à chacun d'arbitrer sa retraite en fonction de son capital et de son relevé de points. Signé Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, c'était quelqu'un qui était ministre, je crois, du temps de Mitterrand. C'était un socialiste, enfin, entre guillemets socialiste, hein, parce que on peut choisir une étiquette et qu'il y ait une belle étiquette sur la bouteille et qu'il n'y ait rien dans la bouteille. Ou à la place du vin de Bordeaux que l'on voulait acheter, ou du bon Bourgogne que l'on prétendait qu'on allait pouvoir boire avec des amis, eh bien à la place il y a du vinaigre. Eh bien oui, c'est ce qui s'est fait souvent avec les partis politiques, et le parti, un des partis les plus décevants de ce point de vue-là, ça a été le parti dit socialiste, qui a fait du bon travail pendant un temps, mais ça n'a pas duré. La retraite par répartition du régime général, c'est l'âge légal du départ à la retraite est fixé à 62 ans. C'est ça qu'on veut garder. Garder les textes actuels. Ne pas adopter les textes de Macron, qui sont une régression sociale terrible. Hein ? Alors, autre chose encore, continue. Les années 70 continuent d'inspirer les luttes sociales d'aujourd'hui. 40 ans plus tard, un ouvrage exceptionnel rend la parole à ses acteurs. Alors cet ouvrage, eh bien, c'est l'ennui, parole libérée. Hein, l'ennui. Ah oui. Et les gars qui présentent le livre présentent en même temps une affiche, Lorraine Cœur d'Acier. Et Lorraine Cœur d'Acier, c'était une radio libre. Une radio de combat, une radio libre. C'est le début des radios libres. C'est grâce et à cause de Radio Lorraine Cœur d'Acier et de Radio Werth Fessenheim que Radio Gemozo existe. Hein. Sinon, notre radio n'existerait pas, elle n'aurait pas existé. Ça fait 38 ans que ça dure, mais elle n'aurait pas existé du tout s'il n'y avait pas eu des prédécesseurs comme Radio Lorraine Cœur d'Acier et Radio Werth Fessenheim, entre autres. Hein. Voilà, et ils présentent cette affiche et ce livre, c'est la CGT qui présente ce livre, sous la tour Eiffel, parce que rappelons que la tour Eiffel a été faite avec du métal, du fer, venant de Lorraine. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser passer les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance, et sur le toi-même d'entendre tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts, c'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi, pourquoi c'est si magré? rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager, c'est un peu fondre pour le givre, et pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger. Code 9 en matière de science. Eh bien, dans Science et Vie, par exemple, de numéro 1216 de janvier 2019, on peut tirer des articles intéressants, notamment celui-ci, enfin, que j'ai trouvé intéressant moi, le jour où la Chine a dévoilé sa mainmise sur l'orbite terrestre. Alors, premièrement, ce sera un outil diplomatique pour les Chinois. Depuis le lancement des premiers satellites, la course à l'espace dépasse le seul cadre scientifique. C'est un moyen pour les nations d'affirmer leur suprématie. Bien consciente de ces enjeux, la Chine a annoncé en mai dernier, que sa station serait accessible à tous les pays membres des Nations Unies, au nombre de 193, quelle que soit leur taille ou leur niveau de développement. Cette première est la preuve que la Chine ne veut plus apparaître comme un pays autocentré, mais comme un acteur d'influence sur la scène diplomatique internationale. Deuxièmement, c'est la troisième station habitable chinoise. Ce n'est pas la première fois que la Chine va envoyer une station habitable dans l'espace. Elle bénéficie d'une présence en orbite basse depuis le lancement en 2011 de Tiangong 1, c'est-à-dire Palais Céleste, qui a accueilli trois taïkonautes pendant 13 jours en 2012, puis pendant 14 jours en 2013. Celle-ci a été désorbitée en avril dernier, mais avait été rejointe en 2016 par une seconde station Tiangong 2, toujours en activité. La Chine fait ainsi partie du club très fermé des pays ayant lancé des stations purement nationales avec la Russie, Almaz, Salyut, Mir et les États-Unis, Skylab. Une station, le troisième paragraphe, disons, une station-service pour télescopie de pointe. Originalité de cette station, elle pourra périodiquement accueillir le futur télescope chinois Xuntian, dont le lancement est prévu en 2022. Avec son miroir primaire de 2 mètres de diamètre et sa caméra de 2,5 millions de pixels et 0,15 secondes d'arc de résolution angulaire, il est censé rivaliser avec Hubble. Le futur instrument de pointe, lui aussi en orbite basse, pourra ainsi refaire le plein et bénéficier d'opérations de maintenance et de mise à jour. Bientôt, la seule station permanente. Quatrième point, ce n'est plus un secret. La station spatiale internationale ISS arrive en fin de vie. Lancée en 1998 et habitée en continu depuis 2000, elle devrait être progressivement retirée du service à partir de 2025. Les États partenaires, États-Unis, Europe, Russie, Japon et Canada n'envisagent pas de la remplacer, mais plutôt de concentrer leur budget sur la Lune et Mars. En clair, dans quelques années, le lancement est prévu en 2019 pour une entrée en service en 2022, la Chine sera le seul pays à disposer d'une structure habitable permanente autour de la Terre. Cinquième point, elle ne remplacera pas l'ISS en termes de capacité. Avec ses 65 tonnes, Tiangong 3 sera bien plus grande que les 1 et 2, 8 tonnes 5, qui étaient des missions préparatoires. Elle restera toutefois loin des 450 tonnes de l'ISS. Selon les informations distillées au compte-gouttes par les autorités chinoises, elle inclura un module principal visible ici sur la photo, je ne peux pas vous la montrer puisqu'on est à la radio, et deux modules laboratoires. Plusieurs vaisseaux à la fois auront la possibilité de s'y arrimer pour assurer la relève et le ravitaillement. Elle pourra accueillir 3 personnes pour des séjours de plus d'un an à 400 km de la Terre. Page 61. Cap sur le premier avion de ligne à hydrogène. Relier les aéroports régionaux entre eux sans émettre de CO2. C'est l'objectif du projet Element One. Cet avion quadriplace à pilotage automatique sera l'un des premiers fonctionnant à l'hydrogène, avec une autonomie variable de 500 à 5000 km selon que le carburant sera gazeux ou liquide. Les moteurs électriques seront alimentés par des piles à combustible qui seront changées par un système de nacelle automatisé. Un ravitaillement censé prendre moins de 10 minutes. Premier décollage prévu d'ici à 2025. Space Train, retour à l'aérotrain. Quatre atouts est annoncé du Space Train. Premièrement, sécurité, peu de risques de déraillement ou d'obstacles sur la voie. Deuxièmement, vitesse, 500 km/h en vitesse moyenne contre 320 km/h pour le TGV. Troisièmement, pollution réduite, absence de rejet de particules fines grâce à l'absence de friction. Quatrièmement, maintenance réduite, pas de caténaire. Alors la navette sera construite en nanotubes de carbone, très résistant et très léger à la fois. Pompe pour coussins d'air, récupère l'air extérieur et le compresse pour créer des coussins d'air verticaux et horizontaux surélevant la nacelle de 2 mm. Capacité d'accueil, 60, 150 ou 250 personnes ou 20 à 30 conteneurs de marchandises suivant les navettes. Source d'énergie électrique, pile à combustible et batterie lithium-ion assistée par des supercondensateurs. Réservoir d'hydrogène, 100 kg transportés à 700 bars pour 600 km d'autonomie. Freinage d'urgence en graphène carbone qui enserre la partie verticale du rail. Moteur linéaire à induction crée un champ magnétique au contact d'une plaque sur le rail central qui génère une poussée vers l'avant. Il y a aussi une dizaine de pages sur la biodiversité. Vive la ville! Darwin n'aurait pu imaginer plus belle validation de sa théorie. À l'espace de quelques générations, nombre d'animaux et de végétaux vivant dans des villes ont évolué génétiquement. À côté des espèces sauvages et des espèces domestiques, voici donc qu'émerge un nouveau règne du vivant, celui des espèces urbaines. Une manne pour les écologues et une autre manière de voir les villes. Elles offrent désormais un refuge inespéré à la biodiversité. À l'heure où l'agriculture intensive, entre autres, nuit aux écosystèmes dans la nature. Ouais, c'est le monde à l'envers. Hein. On ne parle pas ici d'espèces animales et végétales qui se sont acclimatées aux villes, mais d'une profonde et inédite évolution de leur génome sous la pression urbaine. 1,4 million, c'est en kilomètres carrés la surface qu'occuperont les villes dans le monde en 2030. 30% des villes abritent une espèce d'oiseau menacé. Alors voilà, il y a des tas de... Bon, là, je ne lis que les titres des articles principaux, enfin des paragraphes principaux figurant dans cet article-là. Des humains des villes, y aurait-il biologiquement parlant des humains des villes et des humains des champs? Autrement dit, le fait d'habiter en ville a-t-il une influence sur l'évolution de notre espèce? Eh bien oui. L'urbanisation opère une sélection via les risques accrus d'épidémie. En analysant l'ADN de 17 populations à travers le monde, une équipe anglo-suédoise a mis au jour une forte corrélation entre l'ancienneté de l'urbanisation de la région et la présence d'un allèle particulier du gène SLC11A1 qui confère une résistance naturelle à la lèpre et à la tuberculose. Mais à l'avenir, la pollution extrême des mégalopoles chinoises ou indiennes pourrait également jouer un rôle sur notre génome. À l'image des habitants de la ville argentine de San Antonio de los Cobres, dont un quart sont porteurs de mutations le permettant d'assimiler l'arsenic qui empoisonne leur eau potable, qui nous ferait mourir, nous, et puis qui, eux, ben, ne les gênent pas trop. Hein. Alors la pollution, la chaleur urbaine, voilà, l'évolution par les déchets, l'évolution par la foule, hein. Le fait de vivre en foule, ça entraîne une forme de stress qui amène progressivement une évolution de notre génome, etc., une adaptation, quoi. L'évolution par la fragmentation, le bruit et l'éclairage, la ville dernier refuge pour la biodiversité, point d'interrogation. Alors, la stratégie des hauteurs, il faut maintenant créer en ville des écosystèmes fonctionnels, etc. Voilà le genre d'articles que l'on peut lire et qui, lorsqu'on les lit en détail, sont assez intéressants quand même.